Elle est finie la douce France. J'aurais besoin d'une seule phrase pour qu'elle comprenne. Je mets dans ses fesses. J'ai tellement d'huile de dans le corps qu'il faudrait que je fasse une vidange. Je mets d'abord le matin la laine sans l'emballage de l'étrange. Pas amical, je rugis au mic comme un animal. Moi et mes amis mal, tu nous aimes pas parce qu'on s'habille mal. Figuette, t'as entendu, t'as sentimental. C'est pas pour les petites caisses, les vendus, les sentimentales. Encore un son de plus pour les dalles. Mon texte en dit long, sûrement boycotté par les intellos. J'injure les petits condes MC qui jouent les tauliers. T'inquiète pas, j'rappais déjà bien avant l'atelier. Tu sais que c'est toujours du bon que je viens de proposer. Après ça, ce sera bien emballé, prêt à peser. Le rap devient épuisant. Les raclos prennent un mois, ils font toute une chanson sur la prison. Ma parole, qu'ils en foutent trop, on en a rien à foutre, qu'ils se baronnent en merco. En vrai, ils prennent le métro. La bouche du rap français dégage comme une odeur de moutrave. Parce que dans le rap y'a trop de poucave. Fin de la partie, mes replays si je suis talentueux. Senza, tu risques de le vénérer si tu crois pas en Dieu. J'suis venu avertir les MC de leur défaite. Au fait, le prochain album F.O. parle face. Écoute bien ce que je vais tracave. Je le répéterai 10 000 fois s'il le faut pour que tu l'entraves. Le rap vient des bas fonds et pas d'ailleurs. Mais combien de rappeurs ont vraiment le profil du bagaveur? Ils foutent à bout, y'a que du com, les vrais sont bien guéraves. Dans les sous-sols, mais quand tu sors c'est pour te faire guénave. Ils comprennent pas notre phrasé, on est trop vulgaire. Tu veux nous effacer, t'étonnes pas si la nuit on fait le caire. J'ai tout fait pour que le CD soit propre au final. Si tu l'aimes pas, donne-le ou alors jette-le sur la flicaille. C'est pour mes petites cailles qui se font menoter. Et pour ceux qui coupent les instrus à la cisaille, même des calottés. Ils comprennent pas pourquoi on est rageux, tous énervés. Beaucoup de dalleux, beaucoup de crasseux, plus rien à préserver. Comme la souffrance est en enfer, ma table est réservée. Écoute un peu dans tes tympans les rimes que je viens de te déverser. Elle fixe où, t'inquiète les instrus, je les ai déviergés. T'es versi chez moi, y'a pas de maison 10, personne veut percer. On va pas attendre après le rap pour faire des. Ici je respire tellement chétane que j'en ai les lèvres gercées. Loin d'être à la pointe de la technologie. Chez moi les gars fédèrent tellement que c'est nocif pour l'écologie. Qu'ils aillent tous se faire calacher. C'est avec panaché que l'on a écrit ces putains de textes qu'on t'a lâché. Cette saloperie de banlieue, je m'y suis trop attaché. Un manque de moyens superficiel qui donne envie de tout saccager. N'essaye pas de couler tes ennemis si tu sais pas nager. N'essaye pas de clasher les MC si tu sais pas rapper. Alors quoi, pourquoi ton visage se modifie comme dans Zinou, toi tu m'en es édifice avec des édifices. Ici la vulgarité file comme un courant d'air. C'est pour ça qu'on insulte la putain de sa grand-mère. T'inquiète, j'ai bientôt terminé mon couplet. Avant d'acheter des CD et ma couille, écoute-les. Si tu vois le mien sur le net, télécharge-le, je décharge. Mes textes ne sont pas faits pour les lauves, mais pour des astres. Tellement de haine dans un seul homme. La rage qui est en moi s'extrait dans le rap ou quand mon joint s'allume. Ils ont cru que j'allais les laisser pourrir. Ça vient des bas-fonds, c'est les quatre vérités qui t'ont enlevé le sourire. Même ceux que je connais pas, à mon cousin par moi d'ici là où je t'arrive.